Hey. Jah Rastafari. Yeah, man, Jah Rastafari. Pourquoi autant de misère sur cette terre? Je ne sais pas pourquoi les hommes politiques n'arrêtent pas de parler tout le temps. Ils disent beaucoup de choses qui ne tiennent pas pour se faire élire. Pourquoi les hommes politiques font n'importe quoi? Je ne sais pas. Les citoyens se reprochent d'avoir ces hommes politiques. Et pourtant au moment d'aller voter, ils y vont. Il faudrait se mobiliser comme mai 68. Mais il n'y a plus personne qui a les coups de le faire. Je te le dis. Que l'on soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ou alors bien dimanche, ça ne change rien. Tout le monde est pourri dans cette société. Il n'a plus rien à faire. Comment faire pour faire progresser l'humanité? Regarde toutes les forêts que l'on coupe au nom de l'humanité, pour faire les papiers, les meubles que les riches vont acheter. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand est-ce cela va s'arrêter. Dis-moi, pourquoi il n'y a rien? Pourquoi personne ne mène le combat? Ce n'est pas parce qu'il y a deux ou trois personnes qui le font en bas. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le monde qui ne tourne pas rose aujourd'hui. Les hommes politiques en profitent bien et ne s'arrêtent jamais. Ils augmentent leur salaire de 151%. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Les hommes qui veulent toujours plus de pouvoir, ils envoient leurs hommes militaires faire la guerre en Afrique, en Afghanistan ou dans combien d'autres pays. L'argent appelle l'argent, le pouvoir appelle le pouvoir. Major Macron, le micro pour détester le pouvoir. Si tu peux pouvoir, si tu ne peux pas, si tu le veux, vas-y, je suis avec toi, menons tous le combat. Il faut lever le poing et ne pas lâcher l'affaire aujourd'hui, car sinon le monde politique va nous faire retomber. Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de misère? Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de misère? Ils veulent tous plus d'argent et tous plus de pouvoir. Je ne les comprends pas parce qu'on a ce qu'on a. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre, sur cette planète. Il y a de la place pour tout le monde, je te l'ai déjà dit. Major Mike mène le pouvoir pour tous les soldats. Major Mike mène le pouvoir pour tous les repos. Levant tous les poings, il faudrait ouvrir une révolution. Vendetta, vendetta. Eh, dis-moi pourquoi? Ouais, dis-moi pourquoi? Plus d'évolution que de la révolution.